Et avec nous ce matin, Raymond Poirier qui est là. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors ce matin, on va s'inspirer d'une étude du Pew Research Center pour voir comment pourrait évoluer notre confiance envers le web. Est-ce exactement. Que ça peut encore évoluer ou on donne pas une confiance aveugle, me semble, au web? Ben, en fait, non, c'est extrêmement varié, évidemment. Et oui, ça peut évoluer de différentes manières. Et évidemment, comme toute chose, reste que la nature de nos relations avec le monde qui nous entoure est quand même basée sur la confiance. Ouais. On écoute la radio, par exemple, certaines chaînes parce qu'on fait confiance. On achète certains produits parce qu'on fait confiance en la marque. On fait affaire avec certains individus parce qu'on leur fait confiance. Alors, évidemment, l'évolution de l'état actuel de la confiance envers le web va être instrumentale dans l'appropriation technologique qui va être reliée au web. Et évidemment, à travers tout ça, il y a toute la question à savoir est-ce qu'on sera éventuellement obligé de faire confiance au web, même si on ne lui fait pas confiance actuellement? Est-ce qu'on lui fait trop confiance? Est-ce qu'on lui fait pas assez confiance? Donc, quand même une grande question, un grand sujet. Et comme tu disais, le Pew Research Center s'y est intéressé en fait, je vais souvent chercher de la matière de ce côté-là parce que je trouve que les questions sociales qui sous-tendent dans leurs études sont intéressantes. Et dans ce cas-ci, bien, ils ont été chercher à peu près 1200 quelques experts du monde informatique surtout pour leur poser la question, mais dans les prochaines 10 années, comment voyez-vous évoluer, dans le fond, la confiance? Grosse question. Le web, l'Internet, là, c'est dans le paysage, quoi. Tout à l'heure, en début d'émission, je disais autour des années 90, mais... C'est dans le paysage depuis combien d'années exactement? Mon Dieu, je pense que c'est à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années. Parce que dans le fond, avant que l'Internet commercial existe, il existait un Internet militaire. Avant ça, il existait un Internet universitaire, si on peut dire d'abord et avant tout. Donc, on peut remonter peut-être j'espère que je me ferai pas taper sur les doigts, mais aux environs des années 70. Et ce qui est important de retenir, c'est quand Internet a été créé, il n'a pas été créé pour être sécuritaire ou pour être sécure. Alors, les assises du web d'aujourd'hui n'ont pas été créés en ce sens. Et donc, ce qui fait que ça le rend d'autant plus difficile à sécuriser de manière intégrale aujourd'hui. On construisait une maison, mais que les fondations n'étaient pas hyper solides, là, grosso modo. Exactement. Et ça, c'est la base qu'il faut garder en tête. Et eux ressortent essentiellement six grands thèmes, six grands axes là, pour essayer d'évaluer l'évolution de la confiance avec, évidemment, différentes contrariétés à l'intérieur de ça et différentes contradictions aussi, puisque tous les 1200 personnes consultées ne sont pas nécessairement d'accord. Alors, ce qu'on dit d'un côté, pour le premier axe, là, c'est que la confiance va s'enrichir parce que les gens vont s'adapter à l'usage des systèmes et vont les utiliser de plus en plus. Donc, avec une plus grande utilisation, va venir nécessairement une plus grande confiance. Donc, il y a là quand même une certaine logique, évidemment. Donc, il y a une logique dans la mesure où on se dit que s'il y a plus d'usagers dans une technologie, ben nécessairement, cette technologie-là va s'améliorer. Il y aura plus d'interactions, donc le système sera plus testé, ça va amener d'autres améliorations et tranquillement avec ça, il y aura une confiance qui va être élargie. Ensuite, il y a aussi les corporations, les intérêts commerciaux qui vont voir aussi un intérêt à grandir, à élargir cette confiance-là eux-mêmes dans leurs investissements et tranquillement, dans le fond, il y aura de plus en plus de perméabilité dans nos vies face aux technologies parce que justement cette confiance-là sera plus grande, ça amènera encore plus de confiance et éventuellement, on ne pourra Une confiance basée sur l'usage, une confiance basée sur l'expérience et une confiance qui amènera normalement, en fait, un usage étendu qui amènera normalement d'autres types de changements. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, on peut pas simplement s'en tenir à l'usage simple. Il faudra donc qu'il y ait de la vigilance qui soit instaurée. Il faudra qu'il y ait des politiques publiques qui soient mises en place pour la protection des consommateurs, pour la protection des données personnelles, la vie privée et le reste. Et que normalement, avec un usage accentué, ces législations-là devraient suivre. Donc, ça part un peu de ce prérequis-là. Et évidemment, il y a aussi les nouvelles générations, donc ceux qui grandissent avec ces usages-là. Mais pour eux, ça va être la normale. Mm-hmm. Et il y en aura de plus en plus. Ils vont avoir de plus en plus de demandes aussi. Et donc, normalement, ça ne fera qu'accentuer, si on peut dire, l'appropriation tout azimut qu'on verra. Oui, parce que c'est pas comme une auto. Là, on fait pas de publicité dans ce domaine-là. Là. C'est donc à l'usage. Puis c'est beaucoup aussi dans le monde de la consommation là qu'il faut faire confiance au web. Oui, et c'est ça amène un peu le thème 2 à travers ça d'une certaine manière, parce qu'on dit c'est que présentement, dans le fond, l'évolution qu'on reçoit autour du web, c'est que la confiance n'est pas envers le web lui-même, mais envers d'autres usagers. Et donc, le système actuel, qu'on va sur eBay, qu'on va sur Amazon Market, qu'on va sur Airbnb et le reste, eh ben c'est qu'on fait confiance à des gens qu'on ne connaît pas, qui font partie aussi d'un système que d'autres ont contacté dans le passé pour louer des choses, pour acheter des produits, pour avoir accès à un voyage, à une maison et le reste. On fait confiance quand même de manière assez imposante quand on y pense, mais c'est toujours à l'individu qui est de l'autre côté. Donc, ce qui fait que, alors que certaines personnes pensent aujourd'hui la confiance au web de manière relativement monolithique, eh bien, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'évolution justement des transactions commerciales et du volet commercial et social du web, eh bien, ce sera beaucoup plus fluctuant, si on peut dire. Un peu comme aujourd'hui, ben, on retire nos balles quand le lien de confiance est brisé de l'entreprise, un investissement. Eh bien, ça va être la même chose sur le web. Dans le fond, notre niveau de confiance va dépendre du contexte immédiat, de l'expérience de d'autres usagers. Ça sera pas binaire, ça va être à plusieurs niveaux et éventuellement, comme dans tout le reste, on pourra décider de simplement retirer nos balles d'un site, de critiquer vertement, de réagir vertement à des bris de confiance perçus ou réels. Mais là, tu parles du consommateur qui devra être responsable ou qui aura un système d'autorégulation du web. Si, par exemple, j'achète mes billets d'avion sur Expedia, puis qu'Expedia, à un moment donné, n'est pas tout à fait fair play, est-ce que le web pourrait réguler puis tasser Expedia ou ce sera à moi de ne plus commander mes billets d'avion? Par exemple, sur Expedia? Un peu les deux. Un peu comme aujourd'hui, se l'est avec les systèmes de cotation d'étoiles. En fait, jamais l'opinion des autres n'aura été aussi importante dans le choix des expériences qu'on va faire. Donc, moi, je choisis mes marchands, par exemple, sur eBay, mais j'ai un seuil où si on n'a pas 95 à 98%, puis quand c'est pas 100%, on se pose une question, on va vérifier. On se réfère aux expériences d'autres usagers via TripAdvisor ou autres plateformes pour aller réserver nos hôtels. Ce sera la même chose pour un peu tout le reste, finalement. Donc, c'est cette partie du système-là qui pourrait, selon les experts, donc être généralisée de manière beaucoup plus importante, si on peut dire. Et à ça, évidemment, ajouterait le thème 3 où ce type de transaction-là va devenir un peu la nouvelle norme. C'est que, dans le fond, que la sécurité s'améliore ou non, reste que de plus en plus, on réserve nos choses, on utilise le web pour faire des transactions. Donc, il y a un web transactionnel important. On utilise le web pour nos interactions sociales. Ce volet-là est très important aussi. Donc, au-delà de l'information factuelle, parce que quand on parle de Wikipédia ou d'autres sources savantes, ça devient facile à codifier. Je veux dire, c'est vrai ou c'est pas vrai. Après, on tombe dans les faux faits et le reste, mais de manière générale, de manière absolue, c'est facile à codifier. C'est plus difficile dans les interactions qu'on a à l'intérieur du web et donc dans les transactions qu'on a à l'intérieur du web. Et donc, ce qu'on dit, c'est que il y aura une nouvelle normale. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les risques vont demeurer. Des risques vont peut-être être même importants. Mais comme l'habitude va être liée à l'usage du web, on va se dire, c'est normal qu'il y ait un risque. C'est normal que si j'utilise certains sites de réseautage social, je vais perdre accès à certaines informations personnelles ou perdre propriété de certaines informations personnelles. Et ça va être tout simplement plus convenient, plus pratique d'utiliser le web malgré le risque pour faire certaines opérations. Si on met en balance les avantages, les désavantages, au bout du compte, c'est toujours plus pratique. Oui, puis on est déjà un peu là-dedans de toute façon. On le sait qu'il y a un risque calculé, mais pour lequel on connaît pas le niveau de risque induit par l'opération. On sait qu'il y a un risque, mais ça reste très vague. Et ce côté-là, vague aussi, va peut-être éventuellement aussi s'accentuer. Donc, tout dépendant de la manière par laquelle le web va évoluer. Et dans le contexte où, on le disait tantôt, le web au départ n'était pas fait pour être sécuritaire, était fait pour être pratique. Donc, si je paraphrase un peu. Et difficile de revenir en arrière, semble-t-il, il y a toujours des barrières de sécurité qui s'installent, là, mais on a l'impression qu'on patche un peu les affaires. C'est ce genre de situation, je me dis, en parlant un peu à travers mon chapeau, là, mais on peut pas fermer le web pendant 2 semaines pour dire on va réparer la fondation c'est fini, ça ne peut plus fermer. Évidemment, il y a d'autres technologies aussi qui vont apparaître. Je parle beaucoup de médias sociaux, de web transactionnel, le reste, encore là, c'est des apparitions relativement récentes. L'Internet par téléphone, l'Internet mobile, c'est 9 ans à peu près, la technologie. Donc, c'est extrêmement récent. Il y en a d'autres qui vont apparaître comme ça aussi, des nouveaux objets. On parle d'Internet, des objets et le reste. Donc, évidemment, il va y avoir des nouveaux facteurs de risque. Et il y a d'autres technologies qui pourraient apparaître et pourraient s'imposer, qui, elles, pourraient avoir un effet favorable pour la confiance. Donc, ce qu'on parle beaucoup, c'est de blockchain, entre autres. Là, c'est un sujet qu'on va voir apparaître de plus en plus. Ah oui, moi, j'ai... ben, je fais une parenthèse parce que j'ai fait une entrevue vendredi avec le PDG d ImpactCoin qui nous parlait de la technologie blockchain. Alors là, je me suis dit, oh, OK, je m'avance pas trop, mais je n'étais pas tout à fait certaine de bien saisir tous les enjeux entourant cette nouvelle technologie-là. Là. Moi, j'en suis encore au stade, en fait, de me documenter avant, de, oui, avant d'oser ça. En parler de manière trop détaillée. Mais dans le fond, le résumé qui est le plus récurrent, et entre autres dans l'étude du Pew Research Center, c'est dans le fond un relevé distribué, décentralisé, donc une base de données décentralisée distribuée qui garde l'information sur les transactions numériques, les transactions digitales, plutôt que d'avoir un administrateur central. Donc, c'est un peu dans l'idée que à plusieurs administrateurs, plusieurs copies dans différents endroits, mais ce sera plus facile de garder l'information intacte plutôt que d'avoir simplement une centrale à un endroit qui va être un objectif clair, dans le fond, pour des hackers potentiels. Alors, donc, si j'y vais en des très grandes lignes, mais évidemment, c'est un sujet extrêmement riche. Et ben dans le fond, ce qu'on dit, c'est essentiellement soit effectivement, ça viendra bonifier le degré de confiance, mais il y a d'autres experts qui disent, ben, regardez, comme n'importe quelle autre technologie, n'importe quel autre élément, c'est il y a un effet de mode, et une fois l'effet de mode passé, ben peut-être qu'il n'en restera pas grand-chose non plus. Mais le fait est qu'il y aura, ben, outre ça, là, mais on parle déjà de crypto-monnaie, d'échanger de la monnaie, c'est virtuel, ça, c'est quand même un peu, on s'en va vers ça, on a l'impression, là, toute cette monnaie. Il y a une part de ça, évidemment, qui s'en va vers l'économie au complet, là, mon Dieu. Et le Bitcoin, et le reste. Ouais. Alors, bon, il y a ces éléments-là qui pourront faire évoluer, et rapidement, je vais avec les deux derniers thèmes. On parle, en fait, de certains qui sont plus pessimistes aussi, qui disent, regardez, il n'y aura pas tant de changements que ça dans la prochaine décennie. Il n'y aura pas de fin au problème de cybersécurité. Et d'autres qui disent, ben non seulement ça, mais la confiance va diminuer parce que, ben on le disait tantôt, l'Internet, au départ, n'est pas sécure et ceux qui gèrent le web, au bout du compte, n'ont pas pour mandat ou pour objectif de le rendre sécure non plus. Les intérêts corporatifs visent la création de profits. Donc, on y va avec la ligne qui va amener le plus possible de profits pour les actionnaires. Donc, ça va être ça l'objectif. Ce qu'on dit, il y a peu d'attention donc sur les droits individuels, à la vie privée, à la sécurité personnelle, dans la mesure où il n'y a pas de risque de poursuite et le reste. Donc, ça devient à la limite un calcul plus actuariel qu'une décision sociale réfléchie. Au niveau gouvernemental, ce qu'on dit, c'est que souvent, ben, les gouvernements sont intéressés par la sécurité nationale. Ici, on est dans un espace neutre, dans un espace international qui est difficile à réglementer. On le voit actuellement, notamment avec certaines réflexions. Et évidemment, ça peut amener une porte grande ouverte là, pour des intérêts peut-être un peu plus criminels qui pourraient décider justement d'envahir cet espace. Rappelons-le, derrière le web, il y a toujours des humains. Et qu'il y a toujours des, peut y avoir, qui dit, des criminels. Mais dans cette étude-là, justement, est-ce qu'on parle de réglementation? Ça semble très difficile de réglementer le web. Est-ce que ce serait pas une avenue pour gagner la confiance de la population, c'est toujours le défi. En fait, évidemment, des réglementations vont permettre d'améliorer la confiance, la sécurité et le reste, mais comment les mettre en application? Parce que au-delà des espaces nationaux, au-delà des espaces physiques où les serveurs se trouvent, ben il y a pas tant de grippe dans le fond pour les gouvernements, pour les législations. Ça reste un espace neutre, ça reste un espace international. Il y a beaucoup d'autres législations qui sont, intégrées dans cet échiquier-là. Donc, c'est extrêmement complexe de légiférer sur le web et dans le contexte où il y a aussi une volonté d'avoir un espace neutre également. Alors, il y a un défi avec ça, mais évidemment, si on est capable d'éventuellement garantir aux gens sécurité et vie privée, ben c'est toujours bénéfique. Mais d'un autre côté, les acteurs à qui on demanderait éventuellement de protéger ces éléments-là sont ceux qui ont aussi le plus à gagner à y avoir accès pour la prise de décision, pour le marketing, pour différents éléments. On y revient toujours. Est-ce que les gens qui sont présentement placés pour protéger, pour légiférer, pour modifier, sont ceux qui ont le plus à gagner à ne pas le faire? Et c'est la grande question et probablement qu'on a en tête déjà une réponse. Raymond, on a fait le tour? Oui. Alors, c'est une recherche assez pointue. Là, je vois le résumé que tu as entre les mains, mais si les gens voudraient aller consulter, on va... Oui, on recherche en fait Pew Research Center sur votre engin de recherche favori et vous allez pouvoir trouver l'étude. Là, elle est toute récente dans la section Internet et technologie. Voilà, merci beaucoup Raymond. Ça fait plaisir.